neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Bistro Lapinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. Vous étiez à l'écoute de la Bistro Lapinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Bistro Lapinothèque, c'est les derniers mercredis de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Pour la première émission d'Istro Lapinothèque de l'année 2022 de ce mercredi 26 janvier, rediffusée ce vendredi 28 janvier à 21h sur Radio Air Libre. Vous allez voir que l'année commence chargée pour la Distro Lapino. Je vous rappelle que la Distro Lapinothèque, c'est, en plus de la radio de ce soir, c'est une table mobile distro lors de vos concerts, rencontres, conférences ponctuelles. C'est aussi en chair et en os tous les premiers mercredis du mois au Bunker, 66 rue des Plantes à Bruxelles, à partir de 18h avec d'autres fanzineux et fanzineuses diverses et variées. Et c'est aussi, depuis peu, tous les vendredis, entre 18h30 et 21h, au local Le Zottemorgen, au 32 rue de la Grande Île. Les podcasts des émissions radio se trouvent sur le blog des lapins électriques et sur celui de Tranche d'Anard. Vous pouvez nous écrire, bien sûr, un courriel à la lapinothèque@riseup.net et vous inscrire sur notre mailing list afin de recevoir les infos radio et sorties. Mais pour le programme de ce soir, d'abord, je vous présenterai un livre de Daniel Kergoot, « Se battre, disent-elles », sorti en 2012 aux éditions de La Dispute dans la collection « Le genre du monde ». Ensuite, oui, continuera avec Jailbreak Out of History, The Rebiography of Harriet Tubman and the Evil of Female Loaferism, de Butch Lee, édité en anglais. Sorry pour mon accent. Ensuite, c'est Dylan qui vous parle du livre Le couperet de Donald Westlake et qui nous plongera dans les arènes de la recherche d'emploi à tout prix, même au prix du meurtre. Et puis, Titi va parler avec Bini, Boris et Masto, et aussi avec Ex-Guide de La Marmotte qui sort son dernier album, Homo et Rictus. La police nous protège et nos prothèses nous flics. C'est long, mais c'est du bon, très bonne écoute. Merci Nils pour cette belle présentation, et je vous laisse avec le morceau Blasé de Archie Chep avec Chan Lee au chant. Your sperm into me. But never set me free. I give you a loaf of sugar. You tilt my womb till it runs. Blase, ain't you Big Daddy? Présenter un livre qui s'intitule « Se battre, disent-elles », trois petits points. Un livre de Daniel Kergoat. Il est édité aux éditions La Dispute, dans la collection « Le genre du monde ». En fait, « Le genre du monde » est une série qui est dirigée par Daniel Kergoat elle-même. Et sous ce label sont publiés des livres qui contribuent à renouveler la compréhension des sociétés en explorant les rapports hommes-femmes. Et donc, ce livre est édité aux éditions La Dispute en 2012. Ce livre réunit un ensemble de textes qu'elle a écrits qui partent des années 80 jusqu'aux années 2000-2010 et un peu plus loin. Et elle commence donc par un état des lieux de son propre parcours et de la manière dont elle-même a traversé, dans les années 60, 70, 80, des luttes au sein des mouvements qui étaient séparés à l'époque et qui constituent le mouvement de lutte féministe, la question de la lutte des classes et la question raciale. Et donc, elle va nous expliquer à quels endroits ces luttes au départ étaient séparées et à quels endroits la question actuelle de l'intersectionnalité était déjà quelque part pensée via des croisements de discrimination qui ont déjà été pensés à cette époque-là, mais qui ont été tout à fait discrédités dans le milieu académique et qui sont revenus par après via les études postcoloniale venue des États-Unis. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont ces croisements de discrimination sont revenus dans le milieu académique en France, ils sont revenus principalement en mettant en avant la question du féminisme, la question de la race, mais en mettant de côté la question de classe, qui aux États-Unis a toujours été une question beaucoup plus compliquée à travailler. Elle affirme que pour les féministes, la question du rapport de classe a encore perdu sa centralité, celle-ci étant occupée peu à peu par les questions de la race, l'ethnicité, la sexualité, et que c'est sous l'impact de ces nouvelles questions que le débat sur l'hétérogénéité du groupe des femmes se réactualise. Alors l'autrice se pose des questions par rapport à l'intersectionnalité telle qu'elle est réapparue récemment. Alors pour elle, un premier problème serait celui de l'émiettement. Construire le discours occidental, son universalisme, impérialisme, et tenter de le remplacer par une multiplicité de points d'entrée, parce qu'il y a non seulement la race, le genre, la classe, mais il y a aussi la caste, la religion, les régions, ethnicité, nation. Est-ce que ça n'induit pas le risque d'une fragmentation à l'infini des pratiques sociales ? On peut craindre également que cette fragmentation dissolve la violence des rapports sociaux et du même coup leur laisse la place pour se reproduire. Alors, par ailleurs, elle soulève une deuxième question qui, moi, me parle beaucoup plus. C'est tous ces points d'entrée renvoient-ils à des rapports sociaux ? Donc ça, c'est un gros questionnement et en fait, tout son livre va reparler des rapports sociaux et réexpliquer ce que c'est qu'un rapport social. Ce n'est pas une relation sociale, hein, ce n'est pas une relation entre individus. Le rapport social constitue un rapport d'aliénation, de domination, de soumission, d'exploitation entre deux groupes d'individus, que ce soit la race, la classe, le sexe, mais il y a toujours l'idée d'analyser c'est quoi le rapport social entre ces groupes d'individus plutôt que la relation sociale entre des individus. Donc ça, c'est un problème qu'elle soulève par rapport à l'intersectionnalité telle qu'elle nous revient actuellement et telle que, voilà, en lien avec les questions qu'elle peut poser par rapport à une analyse matérialiste qui, à ses yeux, est nécessaire pour éviter, premièrement, de figer les gens dans des catégories figées, parce que pour elle, contrairement à des catégories figées et à des relations entre individus, l'analyse d'un rapport social est une analyse qui est constamment en mouvement et sur lesquelles les groupes sociaux peuvent avoir prise si ces rapports sont analysés et si, évidemment, l'origine de la manière dont ces rapports se déploient peut être comprise aussi comme étant issue des deux systèmes de domination qui sont présents dans notre société, c'est-à-dire le capitalisme et le patriarcat. Et elle explique dans cet extrait que je vais vous lire comment les rapports sociaux forment des systèmes qui n'excluent pas des contradictions entre eux. Pour ma part, je me suis donc efforcée de rappeler constamment et de démontrer la centralité du travail pour penser les rapports sociaux de classe, de sexe, de race. De démontrer que ces rapports sociaux exploitent, dominent et oppriment. D'établir que cette formalisation permet d'appréhender la réalité sociale dans son historicité, tout à la fois objectivée et subjectivée. Et de prouver que ces rapports sociaux sont consubstantiels. Il y a entrecroisement, dynamique complexe de l'ensemble des rapports sociaux et coextensif. En se déployant, les rapports sociaux de classe, de genre, de race se reproduisent et se coproduisent mutuellement. Le genre construit la classe et la race. La race construit la classe et le genre. La classe construit le genre et la race. Blase, ain't you big daddy? You who shot your sperm into me. Set me free. This ain't it. It's a love thing. If lovers ever really love that way, the way I give you a loaf of sugar and you tilt my womb till it runs. All of Ethiopia awaits you, my prodigal son. Blase, ain't you big daddy? But mama loves you. She alors, comme elle le dit elle-même, c'est à partir de la production qui est l'univers référentiel unique des hommes que sont généralement construits les modèles de relations des jeunes au travail et à l'emploi. Et donc les femmes en sont a priori exclues, puisque ce n'est jamais leur propre système de référence qui sert à cadrer l'analyse, et que ce système n'est pas réductible à celui des hommes. Elle propose aussi de repenser la grille d'analyse à travers laquelle ces rapports sociaux et ces rapports sociaux de race, de classe, mais de sexe, sont pensés au travail, hein, toujours. Donc elle mène toute sa recherche dans les milieux ouvriers et ouvrières. Et petit à petit, avec le temps, ces milieux ouvriers, ouvrières, anciennement prolétaire, et donc au plus on se rapproche d'aujourd'hui, au plus elle montre comment on peut passer de l'analyse de ce qui se passe dans les usines en milieu prolétaire au travail, à tout le travail aujourd'hui qui tourne autour du care. Alors voici un extrait du livre dont le titre s'intitule « De l'articulation production-reproduction au questionnement en termes de rapport social ». Si une telle articulation production-reproduction est nécessaire, elle est loin d'être suffisante. Encore faut-il raisonner en termes de rapports sociaux. Cela va de soi, me diront d'aucuns et d'aucunes. Mais si j'y insiste, c'est que les mots ne sont pas neutres, que les vieilles idées sont résistantes et que le glissement est facile entre les champs théoriques production-reproduction et des lieux concrets où la division sociale du travail entre classes, entre sexes, s'opère, l'usine ou la famille. Or, à mon sens, il ne suffit pas, pour comprendre les pratiques sociales de telle ou telle catégorie de femmes, en l'occurrence des ouvrières, d'étudier simultanément famille et usine. À procéder ainsi, on redresse des erreurs méthodologiques, mais on ne brise en rien le carcan des idéologies dominantes. Il suffit, pour s'en convaincre, de voir comment, ces dernières années, la sociologie du travail est sortie de l'usine pour aller voir du côté de l'urbain, de la consommation, des politiques industrielles, sans pour autant, apparemment, rencontrer davantage de femmes. De surcroît, le glissement en termes de terrain a un autre danger, celui de figer les rapports sociaux à un moment donné et donc de privilégier une analyse en termes de déterminisme. Le système de reproduction de lui-même à l'infini des temps, compte tenu de ses seuls impératifs de valorisation, et les ouvrières sont à cet égard un terrain d'élection, doublement enserrées qu'elles sont dans le rapport de production et dans les rapports de reproduction. C'est précisément contre cette conception figée de la structure sociale que s'inscrit en faux le raisonnement en termes de rapports sociaux, avec leur corollaire, les pratiques sociales. Rapport signifie contradiction, antagonisme, lutte pour le pouvoir, refus de considérer que le système dominant, entre parenthèses capitalisme et patriarcat, sont totalement déterminants et que les pratiques sociales ne font que refléter ces déterminations. Bref, ce qui est important dans la notion de rapport social, définie par l'antagonisme entre les groupes sociaux, c'est la dynamique qu'elle réintroduit, puisque cela revient à mettre la contradiction, l'antagonisme entre les groupes sociaux, au centre de l'analyse, et qu'il s'agit bien d'une contradiction vivante, perpétuellement, en voie de modification, de recréation. Mais allons au bout du raisonnement. Vouloir articuler production-reproduction signifie pour moi travailler simultanément sur les deux ensembles de rapports sociaux, rapport de sexe et rapport de classe. Rapport que nous nommerons respectivement oppression et exploitation. Cette formulation n'est pas anodine. Elle implique entre autres choses le refus de hiérarchiser ces rapports sociaux. Pour moi, il n'y a ni front principal, ni ennemi principal. Un rapport social ne peut pas être un peu plus vivant qu'un autre. Il est ou il n'est pas. Donc, Daniel Kergoat pense que l'apport de ses travaux anglophones n'est pas une découverte complètement radicale, hein, comme d'aucuns voudraient le croire, mais bien plus permet la réactualisation et la revisibilisation de théories et de concepts qui se sont trouvés, comme je disais tout à l'heure, marginalisés dans le champ académique. Et en plus, bon, ça les a fortement enrichis, évidemment. Elle pense que bon, ces travaux sont d'un immense apport, mais elle y va quand même avec quelques précautions dont on a déjà parlé, mais aussi parce que la racialisation de l'antagonisme de classe aux États-Unis ne peut pas se superposer à la situation française. Et qu'en regardant de plus près l'intersectionnalité, c'est une notion dont on entend beaucoup parler actuellement. Et elle va reprendre la définition de Kimberlé Crenshaw, qui rend compte de la manière dont le positionnement des femmes de couleur à l'intersection de la race et du genre rend leur expérience concrète de la violence conjugale, du viol, des mesures pour y remédier, donc des expériences concrètes, qualitativement différentes de celles des femmes blanches. Donc il s'agit de saisir la variété des interactions des rapports de genre et de race au plus près de la réalité même des expériences afro-américaines. Donc c'est extrêmement situé, hein. C'est pour ça que Daniel Kergoat pense que c'est assez figé quand même comme concept, hein, l'intersectionnalité fait référence vraiment aux expériences des femmes afro-américaines. Elle reprend une critique d'Elsa Dorlin, dont la critique vise la définition des rapports sociaux en termes de secteur d'intervention, définition qui implique que celles qui subissent plusieurs discriminations se trouvent dans des secteurs isolés. Le concept d'intersectionnalité et plus généralement l'idée d'intersection, peine à penser un rapport de domination mouvant et historique. En d'autres termes, l'intersectionnalité est un outil d'analyse qui stabilise des relations et des positions fixes, qui sectorise les mobilisations exactes de la même façon que le discours dominant naturalise et enferme les sujets dans des identités altérées, toujours déjà là. Donc ça, c'est pour reprendre les mots d'Elsa Dorlin, avec lesquels elle est assez d'accord. Bon, après, elles trouvent toutes les deux que les études postcoloniales et le black féminisme ont le mérite de faire éclater le pseudo-universalisme des grandes théories, de poser le problème de l'hétérogénéité du groupe des femmes et du même coup d'interroger radicalement les notions de solidarité et de sororité. Donc ça, c'est aussi assez nouveau. C'est le sens de la réflexion d'ailleurs d'Audrey Lorde, hein, comme elle la cite, lorsqu'il faut travailler la notion de différence en insistant sur le fait que ces dernières doivent être prises en compte, faute de quoi on perd de vue l'essentiel. Deux points. Le pouvoir d'utiliser les différences humaines comme catalyseur du changement, ou quand elle insiste sur la confusion fréquente entre besoin d'unité et besoin d'homogénéité. Dans un autre registre, ce sont les travaux de Bell Hooks qui débouchent sur la question suivante. Est-ce que ce sont les différences qui l'emportent sur l'expérience partagée des femmes, ou bien est-ce que la lutte contre le sexisme est suffisante pour unifier la classe des femmes? Bref, suffit-il de parler seulement des différences et d'antagonismes entre les femmes, ou bien est-ce le genre lui-même construit différemment selon les positions de classe et de race qui éclate? Bon, ces questions sont évidemment cruciales, mais il faut souligner qu'on pourrait les poser tout aussi bien à propos des classes sociales ou des groupes racisés. Selon telle configuration ici et maintenant des rapports sociaux, le genre ou la classe, la race, sera ou ne sera pas unificateur. Mais il n'est pas en soi source d'antagonisme ou source de solidarité. Aucun rapport social n'est premier. En d'autres termes, il n'y a pas de contradiction principale et de contradiction secondaire. Bon, alors il reste que cette approche suppose la mise en œuvre d'un certain nombre de principes, si l'on ne veut pas non plus que la consubstantialité revienne à fonctionner comme un immense fourre-tout. Et donc, à travers cet ouvrage, Daniel Kerkhove, en s'appuyant sur ses recherches, notamment sur les ouvrières et l'émergence des collectifs de lutte féminin, déconstruit les rapports de domination pour éclairer et accompagner la dynamique d'émancipation. Et l'émancipation fera partie de son troisième chapitre. Et l'augmentation de la puissance d'agir des femmes dans notre société. Donc ça fait l'objet du troisième chapitre. Donc toute cette analyse des deux premiers chapitres sert de base pour arriver à augmenter la puissance d'agir des femmes dans notre société. Little Sims, Venom. Life sucks and I never tried suicide. Mine's fucked even more than I realize. Time's up, keep moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I'm in the best seat from time and the next breed. If you come and come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe. They will never wanna admit I'm the best here for the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy you sour, never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high. My soul was sending to the sky, I guess it's you and I. Gone, but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amount. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not there, rolling with no automatic clips. Moving scatter, you're erratic and shit. Niggas pussy licking back of your shit. Oh, you mad, then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us. Venom. Venom. Venom. Venom. Venom. Venom. Venom. Venom. Venom. Night time today like we roll trees. Save lives and main minds will go deep. Oh, he wanting to get some soul chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's a day in the life for OGs. Dinner with and the demons, I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go. Follow me, follow me, follow me. Actually, don't follow me. Nobody bother me. I'm a mess, honestly. Fuck your policies. They wanna kick me down or demolish me. Use me or fucking abolish me. I don't wanna hear no apologies. Or I'm a yummy own head. Can't tell anymore. Psychotic to the death. When I dig deep, I can never find that I left. It's a mystery. Rage, nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt we'll be showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice round here, no games. I don't wanna dart nobody in a flash. True is to stick up, hands in the air. Put the money in a bag, all cash, venom. Venom. Salut chères auditrices, chers auditeurs, je vais vous faire un petit retour d'un livre que j'ai lu, un livre que j'avais amené quand j'avais fait un voyage aux États-Unis il y a longtemps, un livre édité en 2000 qui s'appelle Jailbreak Out of History, The Re-Biography of Harriet Tubman, écrit par Butch Lee. Donc, évasion de prison de l'histoire, une rebiographie de Harriet Tubman. Et oui, je vais vous reparler d'un livre en anglais pour vous faire sortir un peu de votre zone de confort du français. Voilà, ça me semble une bonne idée. Alors, en fait, récemment, en 2015, le livre a été réédité avec un deuxième essai de Butch Lee, où en fait, elle va continuer sur l'histoire. Donc des résistances, des multiples luttes, surtout des femmes noires. Donc ce livre-ci, il traite pendant l'esclavage et il finit au moment en 1861 où voilà, l'esclavage officiel prend fin. Mais dans le deuxième essai, elle va continuer à parler du travail des femmes noires et leur résistance au centre des luttes de classe après donc la guerre civile. Donc elle va parler du colonialisme capitaliste après l'esclavage et comment les luttes continuent dans plusieurs domaines de la vie. Et donc ce livre, il est trouvable à la distro La Pinothèque. Donc, mais maintenant je vais donc surtout parler de la première partie du livre qui donc parle de Harriet Tubman, mais pas seulement. Elle parle du chemin de fer clandestin et de toutes les résistances voilà, autour de cette période-ci. Et ce qu'elle va essayer de faire, en fait, c'est de vraiment démasquer l'histoire officielle, l'histoire comme ça nous est raconté dans les livres classiques, historiques, ou à l'école, aux États-Unis. Bah, à l'école, on enseigne l'histoire du chemin de fer clandestin et de Harriet Tubman en l'occurrence, mais on va raconter une autre histoire. Ici en Belgique, je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai rien appris sur ça à l'école, mais même si c'est enseigné à l'école, on va parler des esclaves en fait qui voulaient rejoindre par le chemin de fer clandestin, rejoindre le nord où là il y avait la liberté, où là tout était bien. On va faire de Harriet Tubman un personnage exceptionnel et donc pour le coup moins dangereux, où on va vraiment mettre en valeur son côté humanitaire et où elle veut aider les autres, et donc ça va vraiment focaliser son rôle maternel. Et donc, en fait, Butch Lee, elle fait un super travail d'en fait recontextualiser tout le contexte du chemin de fer, mais aussi du personnage de Harriet Tubman. Donc, il ne s'agit pas du tout de survaloriser un seul personnage. C'est un peu la figure qui a survécu l'histoire, mais voilà, c'est le chemin de fer était clandestin et donc organisé en petits groupes indépendants, et énormément de personnes sont restées anonymes. Mais donc si on va parler de son histoire, c'est évidemment pour vraiment mettre en valeur surtout et aussi toutes les personnes qui se sont battues et qui sont restées qui ne sont pas arrivés jusqu'au livre d'histoire. Et donc, ce chemin de fer, c'est pas un vrai chemin de fer, donc c'est tout un réseau clandestin de points de rencontre, de routes secrètes, de moyens de transport et des lieux d'accueil protégés où les personnes qui étaient rendues esclaves pouvaient s'échapper, donc entreprendre leur chemin d'évasion, en fait. Et il y a plus de 100 000 personnes qui sont échappées de cette manière-là. Et Harriet Tubman était aussi, donc pendant longtemps, une esclave, et elle s'est aussi évadée par ce chemin de fer. Et après, elle est retournée pour aider plein d'autres personnes à s'échapper. Et on va écouter une chanson qui s'appelle « Follow the Drinking Gourd », donc la gourde, « Suivez la gourde ». Qui donc va avec les chansons que les personnes chantaient et se transmettaient, elles s'aidaient en fait à se repérer pour trouver les chemins d'évasion. When the sun comes back and the first quail calls, follow the drinking gourd. There the old man's waiting for to carry you to freedom. Donc voilà, c'est important de souligner que en fait il y a rien de mythique ni de superhumain à ce personnage. C'est simplement une personne qui vient d'une culture commune de résistance et de force, une guerrière au pistolet, mais comme beaucoup d'autres en fait, et qui va prendre toutes les formes possibles de résistance. Comme beaucoup d'autres, et donc c'est vraiment une partie de l'histoire qui est trop fortement occultée, où on va vraiment raconter l'histoire d'esclaves qui se résistaient pas, qui se laissaient faire, ou qui se faisaient sauver par les blancs, par les abolitionnistes, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Il y avait donc tout un mouvement, voilà, et donc Butch Lee, elle va parler d'une désinformation de l'histoire capitaliste et patriarcale. Et elle va essayer de nous apporter des éléments de compréhension. Et donc, elle va parler, par exemple, de la place spécifique que les femmes elles avaient dans le système de l'esclavage, où en fait, elles forment partie de la population multigénérationnelle. Donc, c'était vraiment les femmes qui, pendant plusieurs générations, voilà, elle restait au noyau de ce système. Elle vivait d'autres formes de violence et d'autres menaces, comme par exemple la menace du viol, mais aussi très souvent la responsabilité des enfants. Et donc ça rendait donc aussi plus difficile le choix de s'évader, parce qu'il fallait soit prendre les enfants ou soit les laisser derrière. Harriet Tubman, en l'occurrence, elle n'a jamais eu des enfants, et on ne sait pas si elle était infertile ou si elle utilisait la contraception ou si tout simplement elle ne faisait pas l'amour, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est assez rare qu'une femme à cette époque-là voilà, n'avait aucun enfant. Donc, dans ce contexte-là, c'est important de pas, du coup, les femmes comme Harriet Tubman qui, du coup, s'évadent et qui laissent derrière elles la famille ou les amis, etc., bah, Butchley, elle va dire qu'il n'y a pas question de parler de courage surélevé individuel, mais que c'était ce qui était important dans ce chemin de fer clandestin, c'était la création des réseaux communaux pour se soutenir et se guider. Et parler un peu plus de l'historique de la vie de Harriet Tubman, donc elle est née en 1822, et déjà à l'âge de 5 ans, elle devait travailler comme travail domestique pour une bourgeoise blanche, et elle se faisait torturer tous les jours. Elle a fait sa première tentative d'évasion à 7 ans. Mais donc rien d'exceptionnel là-dedans, c'est une histoire commune des millions de Noirs à cette époque-là. Le livre, il va aussi parler de, à l'âge de 15 ans, qu'elle s'est fait fracturer le crâne après avoir résisté ouvertement et en solidarité avec une autre personne qui était rendue esclave. Après, Butchley, elle va aussi revenir un peu sur toutes les rébellions qui ont lieu autour de cette période-là. Et pour un peu remettre dans le contexte donc l'histoire officielle qui dit que c'est surtout donc grâce à l'aide des abolitionnistes blancs du Nord que l'esclavage a été aboli. Mais donc Butchley, elle va dire voilà, il y a beaucoup d'entre eux et entre elles qui voulaient pas du tout risquer leur vie, même donner la thune. Donc en fait, c'est l'histoire, elle retient que ça parce que l'histoire est effectivement faite à l'image des blancs, ça c'est clair. Et on va aussi parler de l'implication de Harriet Tubman dans l'attaque de l'arsenal fédéral à Harper's Ferry. Donc ça, c'était en 1859. C'est 2 ans, en fait, avant la guerre civile, avant la guerre de sécession, qui va donc officiellement abolir l'esclavage après. Mais donc l'idée, c'est surtout le nom que l'histoire a retenu, c'est surtout l'abolitionniste John Brown à la tête de cette attaque-là, et il va être pendu pour ça. Mais donc l'idée, c'était de prendre les armes de cet arsenal fédéral et armer les esclaves et inciter à l'insurrection. Mais donc c'est ça aussi, c'est quelque chose, c'est un peu un fait que l'histoire a retenu, mais en fait Butchley va replacer ça dans un continuum de résistance multiple. Donc le Underground Railroad, il utilisait pas mal de codes, donc c'était organisé en petits groupes qui se connaissaient pas, et là on va écouter Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Round, The Sweet Honey in the Rock. Ain't gonna let nobody turn me round, turn me round, turn me round. Ain't gonna let nobody turn me round. I'm gonna keep on walking, keep on to freedom land. Ain't gonna let no jailhouse Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter Le Couperet de Donald Westlake aux éditions Rivage Noir. C'est une histoire qui se passe dans le Connecticut aux États-Unis dans les années 90. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Burke Devoret. Il a la 40-50aine. Il était cadre dans une boîte de papeterie et il perd son boulot suite à une restructuration de la boîte qui est délocalisée au Canada où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Il est marié avec Marjorie. Ensemble, ils ont deux enfants. Ils habitent une villa dans un quartier pavillonnaire. Ils remboursent leur maison à la banque. Burke était cadre dans la boîte de papeterie pendant 20 ans. Ça fait maintenant 2 ans qu'il est au chômage. Il est spécialisé dans son domaine, l'industrie du papier. Il cherche un boulot dans la même branche, avec la même qualification et le même statut hiérarchique de cadre. Il est chômeur, sans revenu. Marjorie, sa femme, cumule les petits boulots pour amener de l'argent à la maison. Burke déprime, postule tout le temps, suit des entretiens d'embauche, mais ne trouve pas de travail. Monsieur, patientez ici, on vous appellera. Je venais d'arriver au pays du sourire obligatoire. Et moi, je ne savais plus sourire. C'est sûr que nous l'avons fait. Oui, je sais très bien ce qui c'est. On recommencera le week-end. Être convoqué parmi ce menu fretin n'était pas positif. Il n'avait pas besoin de quelqu'un de mon niveau pour fabriquer des étiquettes de produits congelés. Son vrai concurrent, et la place qu'il rêve d'avoir, c'est celle du directeur d'Arcadia. Arcadia, c'est une grosse boîte qui fait aussi dans le papier. Le cadre d'Arcadia s'appelle Upton Ralph Fallon. Pour avoir le poste d'Upton Ralph Fallon, Burke crée une fausse offre d'emploi. Je sentais un pouvoir jubilatoire à lire les secrets de mes concurrents. Je découvrais qu'ils vivaient dans une ignorance abyssale. Certains empestaient la vanité. On sentait que nous avions appris à rédiger des CV. Ça pue le conformisme. Il n'y en avait que 5 qui, diplôme et carrière et surtout expérience, me paraissaient sinon meilleurs, mais aussi bons que moi. Une idée vertigineuse m'est venue. Vous venez d'entendre 2 extraits du film Le Couperet, film inspiré du livre de Donald Westlake et réalisé par Costa Gravas avec Karine Viard et José Garcia. C'est un film qui date de 2005. Donc, pour prendre la place de Upton Ralph Fallon, Burke se met en tête de le tuer. De tuer le cadre d'Arcadia, mais aussi de tuer ses potentiels concurrents. 5 dans le film, 6 dans le livre. Dès le début, je me suis rendu compte de l'ironie de ce que je projetais de faire. Ces gens-là, ces 6 experts en gestion, Herbert Coleman, Everly, Edward George Rick et les autres, n'étaient pas mes ennemis. Même Upton Ralph Fallon n'était pas mon ennemi, je le savais. L'ennemi, ce sont les patrons d'entreprise. L'ennemi, ce sont les actionnaires. Ce sont toutes les sociétés anonymes. Et c'est le besoin de rendement des actionnaires qui les pousse toutes autant qu'elles sont. Oh, je savais tout cela, quand j'ai commencé. Je savais qui était l'ennemi. Mais à quoi cela m'avance-t-il? Si je tuais 1000 actionnaires et que je m'en tirais blanc comme neige, qu'est-ce que j'y gagnerais? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Si je tuais 7 directeurs généraux, dont chacun aura ordonné le renvoi d'au moins 2000 ouvriers travaillant dans des industries saines, qu'est-ce que moi j'en tirerais? Rien. Ce que cela revient à dire, c'est que les PDG et les actionnaires qui les ont mis en place sont l'ennemi. Mais ils ne sont pas le problème. C'est le problème de la société, mais ce n'est pas mon problème personnel. Ces 6 CV, le voilà mon problème personnel. We'll be right back. Mais jusqu'à quel point ai-je le choix ? Je suis debout sous l'eau chaude, propre et de plus en plus propre. Et je réexamine tout dans ma tête. L'équation est dure, réelle, impitoyable. Nous arrivons à court d'argent. Marjorie, moi et les enfants. Et nous arrivons à court de temps. Il faut que je trouve un emploi. C'est tout. Je n'ai pas la fibre de l'entrepreneur. Je ne vais pas inventer un nouveau gadget. Je ne vais pas fonder ma propre papeterie avec 3 sous. J'ai besoin d'un boulot. Nous sommes trop nombreux dans l'arène. Et il faut que je me fasse à l'idée que je ne serai jamais le premier choix de personne. Si ce n'était qu'une question de boulot, de connaissances et d'expérience, de capacités et de compétences, d'enthousiasme et d'efficacité, pas de problème. Mais nous sommes trop nombreux à courir après trop peu d'emplois. Et il y a d'autres gars dans l'arène qui ont tout autant d'expérience, d'enthousiasme et de compétences que moi. Alors ça se joue aux nuances, à l'indicible. L'amabilité, le son de la voix, le sourire. Si votre interlocuteur et vous-même êtes adeptes du même sport ou non. Ce qu'il pense de votre choix de cravate. Il y aura toujours, toujours, toujours quelqu'un qui sera juste un poil plus proche de l'idéal que moi. Dans ce marché de l'emploi, ils n'ont pas besoin de se contenter d'un second choix. Et soit j'accepte cet état de fait, soit je vais être très malheureux pendant très longtemps et entraîner ma famille avec moi dans ma chute. Oh, c'est gentil, merci. Hein. Ouais, faut s'entraider, hein. Demain, c'est peut-être mon tour. Oh, vous êtes un pilier ici. On est 3, moi je suis le plus ancien, donc le premier à gicler forcément. Oui, mais vous avez l'expérience. Et c'est moi qui coûte le plus cher. Seulement j'ai un plan, si je perds mon boulot. Je monte au bureau, je me tire une prune dans le citron devant eux. Beuvreux. Et pourquoi vous tirez pas une prune dans le citron d'un des deux autres ? Préventivement. Préventivement. Vous vous laissez pas abattre. Je vous conseille ce livre. C'est une critique du capitalisme et de la concurrence entre les personnes. Et ça, à travers l'histoire de ce personnage qui a un but très précis. Obtenir cet emploi à n'importe quel prix. En tuant ses concurrents. Il peut pas faire autrement pour assurer sa survie. Le système le broie, il en est victime. C'est la société qui l'a poussé à tuer ses concurrents. Il est seul, complètement isolé. Il a pas de compassion pour ses victimes. Mais nous, en tant que lecteurs, on se surprend à en avoir pour lui. C'est une critique du travail, du chômage, de la course au bonheur, par le travail, de la violence du système, que le personnage principal a complètement intégré. Le personnage principal a intégré les rapports sociaux de domination, comme étant la manière de fonctionner dans ce monde, en tuant directement ses concurrents. Autant dans le livre que dans le film, on sent tout le poids de la société, les règles de la concurrence et de la guerre de tous contre tous. C'est bourré de détails qui rendent cette guerre omniprésente. C'est cynique, léger, marrant, parfois, mais aussi corrosif, et très agréable à lire. Le genre de livre où on n'a pas envie d'arriver à la fin, tellement c'est prenant, et que la situation peut se retourner à n'importe quel moment. Je vous conseille donc vivement le livre, un classique de la Lapinothèque, et ou le film qui est très bien aussi. Bon, évidemment, je vous conseille d'abord le livre et après le film, mais ça, c'est vous qui voyez. À plus, bonne soirée. Propriété. Égalité, prospérité, famille en mode précarisé, famille s'invite dans nos clapiers, famille cellule, famille prison, famille caserne, famille baston, virilité, féminité, standardisée pour le marché. Les bottes de la patrouille emboîtent la cadence, de l'une à la trouille, bienvenue dans la danse. Travail, famine, patrouille, travail, famine, patrouille. Travail, famine, patrouille. La nation renaît de ses cendres, de gauche à droite, pilule à ventre. Aux ennemis du capital, drapeau des soumissions fatales. Patrie enfer, patrie chimère, chasse à l'homme sur terre et sur mer. Déportation humanitaire, marchandage concentrationnaire. Les bottes de la patrouille emboîtent la cadence. De l'hymne à la trouille, bienvenue dans la danse. Travail, famine, patrouille. Travail, famine, patrouille. Travail, famine, patrouille. Travail, famine, patrouille. Les flux marchands sont entravés, la lutte auto-organisée. Les ministères sont congédiés, les fusils vont se retourner. La trouille de camp aura changé, plus jamais on devra gueuler. Travail, famine, patrouille. Travail, famine, patrouille. Travail. faire deux fois oui, une fois non. Je vais d'abord écouter les questions. Quoi. Je vais essayer de répondre. Ah c'est bon terrible. C'est incroyable ça. Ah, c'est dingue. Hein. J'en ai même pas pensé. Mais même si je pense à autre chose, je vais. Et donc, salut Masteux, salut les Binamés, bienvenue sur les ondes de Radio Air Libre. Et on profite de ce concert secret pour vous extorquer quelques échanges fugaces. Salut à tous. Bonjour. Salut. Salut, bonsoir. Salut. Et donc, on me disait, tiens, mais c'est quoi? C'est l'attaque finale des zombies, le déluge terminal, la pandémie créative, la fin du monde ou la fin dans le monde? Qu'est-ce qui t'amène parmi cette bande de joyeux lurons que sont les Binamés? Oui. Faut compter, faut ouais. Pas se tromper. Ah, okay. Bon voilà, je suis un petit fan de base du groupe. Et à quelques années, à la fin d'un concert, j'étais un peu bourré, j'ai été les voir, je leur ai dit ouais, « je joue avec vous ». Et puis... le temps a passé, de temps en temps, Bini me disait, tu sais, on est lent. Je disais, oui, mais la Terre est patiente. Et puis, après, il y a un an de ça, ils avaient un projet de, avec Bac 13, là, d'un disque, comment on appelle ça ? Un split. Et là, ça a été l'occasion qui me sollicite pour si je voulais participer. Alors, j'ai dit, oui, avec plaisir. On a fait ça, donc, à distance. C'était bien. Et après, je savais même pas que c'était un disque, moi je croyais que c'était comme ça, je savais pas. Après, il y a eu le disque, j'étais content. Et après, j'ai quand même dit, bon, c'est cool, mais c'est pas. Je voulais jouer. Je voulais pas jouer tout seul chez moi. Et après, ça a fait un peu de chemin, et puis ça s'est fait. Voilà. Et après, on trouvait pas de moment pour répéter. Et finalement, il y a eu une tournée, et Benny m'a dit, bah viens. Et puis on s'est retrouvés sur scène à Fribourg en Allemagne. Bonjour, c'est toi, oui, c'est moi, je te jure. C'est toi, c'est oui, c'est toi, je te le jure. Et voilà, et c'est tout neuf tout ça. Et c'est Binamé. Et d'ailleurs, je retourne la question aux copains-copines qui sont. Ah non, copains-copines qui sont ici autour. Du coup, c'était quoi l'idée de proposer cette aventure aux camarades ici? Bah, ce qu'il a dit, c'est assez fidèle au souvenir qu'on en a, sauf qu'il y a plus de réciprocité dans le souvenir que j'ai. Genre, quand il a dit « je voudrais jouer avec vous », moi j'avais l'impression que c'était à la gare XP où vous aviez joué avec Derpim Pam Poum que ça s'est passé. Et ce jour-là, on a vraiment beaucoup apprécié votre concert. Alors je sais pas qui le premier a dit à l'autre on pourrait jouer ensemble, c'est peut-être toi qui l'as suggéré, mais en tout cas c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, enfin si, mais c'est une façon de parler, disons qu'on s'en est souvenu. Mais effectivement on est lent, on se lance dans des trucs qui nous prennent du temps, nous bouffent de l'énergie et dont on ne sort pas, j'en ai dit trop là. Et puis c'était assez joyeux d'avoir une perspective d'un jour on fera ça avec lui. Et puis on attendait l'occasion, le temps a passé, on est arrivé à se dire on va faire ça à Noël cette année, et c'était le Covid est passé par là, a annulé tout, et puis il y a eu le rattrapage par le disque de Bac 13, qui était un moyen de se dire on va quand même pas attendre, que on va faire quelque chose en attendant, enfin en attendant on va faire quelque chose. Et puis effectivement, on s'est dit, mais quand est-ce qu'on va répéter? On ne trouvera jamais, on a une tournée, on va l'inviter, et puis pouf. Bon, c'est bon, c'est... On t'a pas dit pourquoi avec tout ça, c'est ça. On raconte comment. Et ça, c'est peut-être... Tu crois que c'est une échappatoire? Bah, ici, il y avait une histoire d'envie qui était là, quand même. Ah oui. Ah, l'envie, c'est, ça, c'est, quoi c'est quand même pourquoi l'envie, ouais. Ah, pourquoi ouais, pourquoi vous le faites? Parce qu'on l'avait envie. Donc c'est de l'amour. Moi, c'était pas là. Voilà. Oh non, non, mais je veux dire, moi tout ça, vous m'avez amour, tout ça. Rétractation. Non, mais c'est, on se connaît depuis hier. Mais, oui. En vrai. Oui. Moi j'étais content quand ils m'ont dit oh, on va faire un disque avec Mastro qu'on connaît, qu'on l'a. Oh, mais moi j'étais pas là, je connais pas, mais ouais, ça me fera plaisir de partager une galette voire plus, avec quelqu'un que sans connaître, j'apprécie l'œuvre. Dont j'apprécie l'œuvre. Donc voilà. C'est honnête. Est-ce que c'est une réponse? Est-ce qu'il y avait une question? Je ne sais plus, mais. C'est honnête. C'était très perso. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, toute ton histoire ou les histoires. Tu as joué dans Lucrette Mill, dans Berruyer Noir, dans Washington Dead Cats. Puis tu as aussi été comédien, compositeur, interprète pour plusieurs metteurs en scène. Tu as aussi fait de la photo et encore plein d'autres choses. Bref, ça déborde de partout. Tu empruntes des sentiers agités, expérimentaux. C'est quoi qui te fait vibrer en ce moment ? La lumière. C'est bon, tout à l'heure, ça a mis un quart d'heure à te répondre. Là, on peut faire court, non ? Et alors ? Comment ? Ça va être de notre faute. Oui. Oui, la lumière. La lumière, ça marche avec d'autres questions aussi, à mon avis. Non, la lumière. Non, non, mais voilà, c'est bien. Et un peu la bière aussi. On rebobine un peu la cassette. Fin des années 70, tu participes à des squats. Et du coup, et nous, ça nous intéresse de savoir un peu quel était l'esprit à l'époque. Si tu as des souvenirs qui peuvent être des anecdotes ou juste l'état d'esprit des squats à l'époque quand tu as participé à tout ça. Bon, j'étais très défoncé, donc mes souvenirs, ils sont quand même assez tourbillonnants, noyés et tout. Et pour ce qui était à Paris à l'époque, c'était pas très solidaire, c'était assez violent. Que ça soit les keufs, mais peut-être avant tout les autres squats, où c'était pas du tout comme en Suisse, par exemple, où il y a quelque chose de fort, de plus conscient et d'extrêmement solidaire. Donc c'était un peu dur, un petit peu comme ça, un petit peu dur, un petit peu violent, un peu dur. Après, on était content, conscient de ce qu'on faisait et de la façon dont on vivait, et puis petit à petit, on a pris aussi conscience de l'impact qu'on pouvait avoir sur des gens qui troquaient de l'alcool contre un stylo ou un livre. Et c'était assez plaisant et ça renvoyait un truc positif, ça donnait envie de continuer. Mais vraiment, dans les années 80, c'était un petit peu entre la défonce, les morts et la violence, c'était quand même un petit peu dur. Thank you. j'en ai ma claque de ce cloaque. Le carnaval de confetti, le carnaval de gueule au bois. Parfois je rêve, je divague. C'est ça comment c'est connu. Oui, il y en a tout pas. Pour toi et pour vous, c'est une question collective. La contre-culture, c'est quoi son sens aujourd'hui? Et est-ce que, d'une certaine manière, ça s'est pas un peu installé en mode pépère? Quand on regarde l'esprit punk d'avant, l'esprit punk contestataire, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on appelait le punk, ou même au-delà, mais de cet esprit contestataire qu'il y avait, je dirais, peut-être avant, et puis les années ont passé, et maintenant, c'est autre chose? L'esprit contestataire du punk, je vois plein d'esprits contestataires dans plein de choses, dans du punk aussi, dans de la folk, dans de la chanson, dans du théâtre, dans... Mais le punk, il a toujours été plein de choses différentes, dont l'esprit contestataire. Parfois, nous, je pense qu'on a vu que ça. Et qu'on sait effectivement, quand on a choisi de mettre punk dans le... Enfin, de faire quelque chose dans un esprit punk, c'est cet esprit contestataire qu'on avait en tête, c'est clair. Mais après, avec le temps qui passe, tu te rends compte qu'il y a énormément de business là-dedans, de groupes, dont on a une image contestataire qui sont juste des clowns qui s'agitent. Je sais pas, ou des gens contestataires qui sont juste rattrapés dans un truc de business d'ailleurs. C'est trop stigmatisant pour les gens dont je parle, ça. Donc voilà. Oui, et rebondi, mais ça peut être plus large. Je disais culture punk, j'ai à un moment donné ciblé ça, mais c'est la contre-culture sens plus large. Mais vous voulez rebondir. Ce que je vois depuis plusieurs années, effectivement, je me sens un peu vieux quand je vais dans certains concerts de musique punk, de groupes que j'ai adorés, machin, blabla, qui se reforment ou qui ont toujours joué, et je me retrouve entouré de personnes de 50 ans, machin, et je trouve pas le côté... ça pétille pas, souvent, je trouve, personnellement. Ça pétille pas, je trouve ça un peu... Je suis content de voir le groupe qui joue les morceaux que j'aime bien, machin, c'est très conventionnel, tout ça, et j'ai du plaisir à ça. Et puis je me retrouve des fois dans les squats où on va jouer, et je vois plein de gens que je connais pas, des jeunes qui écoutent pas forcément du punk, qui vont mettre de la musique qui, moi ça m'emmerde un peu, musique boum boum boum boum, mais qui sont des gens qui, eux, sont révoltés, et tu sens vraiment qu'il y a une rage et qu'il y a des trucs qui se passent, qui sont peut-être même encore plus radicaux que ce que j'ai pu l'être quand j'avais leur âge. Et donc c'est vrai que l'étiquette punk, après, elle est bizarre, savoir où on la met. Est-ce qu'on la met sur ces jeunes, ou est-ce qu'on la met sur ces vieux groupes qui font du punk rock? Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils sont encore rebelles à quelque chose ou pas? Tout ça, c'est beaucoup de questions que je me pose, des fois. Enfin, c'est des constats que je fais, de me dire de ne pas rester bloqué dans une case. Même si c'est sûr, si on me demande si t'écoutes quoi comme musique, je vais dire du punk. Mais bon, j'ai 41 ans. J'écoute plein d'autres trucs. Évidemment, j'écoute plein d'autres musiques, mais c'est la musique qui me fait vibrer. Tu me posais la question tout à l'heure à Masto de savoir ce qui te faisait vibrer. Moi, le punk rock me fait encore vibrer aujourd'hui. Mais comme je pourrais écouter Line Dance Kainor, et ça me fait vibrer aussi des fois. Et que le punk, je le vois aussi parmi tous ces jeunes qui n'écoutent pas forcément du punk, qui en ont des fois le look, qui en prennent certains codes vestimentaires, mais qui vont s'éclater en écoutant la techno toute la nuit et partir en manif le lendemain matin. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais je ne suis pas sûr d'avoir été très clair. Mais... Et donc, pour clôturer ce petit échange rapide, comme je disais, une esquisse... Chlore. On est un peu des vaches. Ça sent clair. Je vais faire une petite parenthèse. Oui. Une petite parenthèse sur ton introduction. Après, je la trouvais logique, dire bonjour Masto et les Binamés. Mais on a discuté entre nous avec Masto de comment se présenter. Et Masto a son idée qui c'était assez clairement. ce sont les Binamés avec aujourd'hui Masto, Herman, Boris et Bini, comme ça a été les Binamés dans la tournée dont on a parlé plus tôt dans l'interview, sauf si tu montes ça à l'envers et que du coup, moi je ne peux pas savoir comment tu vas monter les choses. Donc, méfiez-vous quand vous écoutez une interview. Surtout que souvent vous n'entendez pas les questions et vous vous demandez pourquoi on parle de ça. Mais bon, donc, je voulais dire donc, dans la tournée précédente, c'était Masto, Herman, Titi et Bini. Dans la prochaine tournée, ce sera. Donc, enfin, voilà. C'est. Donc, c'est pas toi quand tu parles à lui et vous quand tu parles à nous. Tu peux parler à vous quand tu parles à tous. Oui, je cautionne. Ça m'a aussi un peu gêné, j'ai rien dit, mais ça m'a... Voilà, c'est, en plus, enfin, pour moi, c'est même gratifiant, tu vois, d'être là quand je suis là et d'être avec eux quand j'y suis, et voilà. Oui, je pense que l'idée de la question, c'était pas lié au culte de la personnalité, mais... Juste pour dire que l'habitude de voir les Binamés avec différentes configurations, avec Titi, Smurf, des fois juste Boris et Bini, plein de configurations, et des fois et des invités par-ci par-là qui rejoignent les Binamés, et c'était juste, tiens, qui c'est ce type-là ? Et voilà, profiter de l'occasion. Ce qui est super, c'est que ce soir, les gens qui ne savaient pas qui t'étais, qui ont juste kiffé le concert, enfin, qui ont trouvé ça super, et qui après sont « Ah, mais en fait, c'était lui, ok, d'accord. » Donc, ça rejoint un peu ce que tu veux dire. Enfin, voilà, il y a un saxo avec les Binamés, c'est chouette, et les gens ne se posent pas plus la question que ça, quoi. Je pense que c'est assez révélateur du fait que ça fonctionne bien, aussi. C'est vrai. Mais moi, il y a quand même une fille qui m'a dit « Mais tu sais, là, au troisième je sais pas quoi, là, je me suis dit, mais celui-là, il joue mal comme dans... Comme les crêtes. Vous me dites un compliment quand même, parce que je pense quoi. Hein? Moi, elle me l'a raconté après, ça avait l'air d'être un compliment. Elle m'a dit, elle est bienveillante. Elle avait des étoiles dans les yeux quand elle avait C'est les gens charitables, ils ont plein d'étoiles dans les yeux. Moi, je pense que moi, ça me semblait vraiment. Oui. Je pense vraiment un compliment. Ah, donc, c'est un 8e binamé pour faire plein de nouvelles combinaisons. Voilà. Et la combinaison de ce soir ne devait pas être celle-là, normalement. On ne devait déjà pas être là, et pas sous cette forme-là. Et puis. On va s'auto-dissoudre. Et un petit son de la fin. Ah ! Le son de la fin. Ah ! Tu demandes à des musiciens sans leurs instruments de faire de la musique. Et c'est fini ! Allez, merci. Merci. Ciao. Merci, Titi. C'était quoi ta dernière question ? Au revoir. Oh, many died to cross the line. All dirty boats lost in the sea. All drawn of frost. So far from home, all shot to death like animals. Looking for food, money and work, a better life, a better world. Stupid fences, stupid walls, protecting nothing, nothing from nothing. It's time to face reality and to change your point of view. Open all the gates you can before it's too late. Open the borders, whoa, and destroy your fucking walls. Open the borders, whoa, let us be free. Open the borders, whoa. rap the world, but you only fuck it up. This is just hypocrisy. It's time to face reality and to change your point of view. Open all the gates you can before it's too late. Voilà, c'était l'interview complètement exclusive de René Binamé avec Boris à la basse, Herman à la guitare, Bini à la batterie et au chant et Masto au saxophone. Donc nous avons écouté au début de cette interview un extrait de l'introduction du concert secret qui a été réalisé fin décembre. Ensuite, au milieu de l'interview, nous avons écouté un extrait de Lucrate Milk, Neplar Relou, qui est sorti dans les années 80. Et pour finir, le dernier maxi, Binamé avec Masto au saxophone. Donc c'était No Border des Back 13. Vous pouvez trouver ce maxi à la Distro Arech ou à la Distro La Pinothèque. Et pour finir, on s'écoute un très court extrait de la fulgurante montée du saxophone dans ce même morceau No Border, toujours dans ce concert live secret. Alors, si on s'entretient avec toi, c'est pour parler de la sortie du dernier album de la marmite Homo Rictus. Avant de rentrer dans les limbes de l'enfer, raconte-nous le pourquoi de ce titre Homo Rictus. Bonsoir Titi, bonsoir la Distro La Pinothèque et ses auditrices et auditeurs. Merci de nous donner un petit bout d'antenne pour présenter le nouvel album de la marmite qui vient de sortir là le 15 janvier. Alors le titre exact c'est Homo Erectus. Alors si on enlève la liaison un peu foirax, Homo Erectus, bon voilà, jeu de mots avec Homo Erectus, ça tourne en fait autour d'un crâne en sculpture métallique de récup qui fait la pochette de l'album et qui est une sculpture qu'on a photographiée lors de notre concert à Pencalette en Bretagne. Nous n'avons pas rencontré Gadgat qui a réalisé cette sculpture, mais voilà, j'ai pris des photos en me disant pochette, marmite, et il nous a gracieusement permis de l'utiliser. Et puis là, ça se décline en... Ça se décline très bien graphiquement, du coup, pochette, affiche, t-shirt, collection de badges réalisés par Marcor, tout ça. Mais revenons donc au titre. En fait, c'est un petit peu l'idée quand on voit ce crâne qui a un air un petit peu d'Australopithèque. Justement, de considérer, de porter sur notre air techno-industriel le regard qu'on porterait sur la préhistoire de l'humanité à partir d'un futur humain. Alors, pour la petite histoire, à la différence de l'album Travail, Famine, Patrouille, dont le titre venait du morceau éponyme figurant sur l'album, Homo Zirictus n'est pas le titre d'un des douze morceaux de l'album. Les mots même ne viennent pas d'un de ces morceaux, mais du morceau Corona Hiatus, qui est sorti hors album, en single digital, on pourrait dire, en 2020. Il a été écrit au début de toute cette histoire de pandémie. On en a fait un clip et on l'a joué quelques fois en concert. Et donc c'est dans ce morceau qu'il y a une phrase où il est question des mots et des rictus, d'où est venue l'idée du titre de l'album. Mais une fois que l'album était fini, en fait, il n'y avait plus vraiment de place pour Corona Hiatus, qui en plus datait quand même d'un an auparavant. Et donc, voilà, il n'est pas sur le disque. Et ses paroles étaient donc, c'est leur monde, leur virus, c'est nos mots, leur rictus. Voilà, donc ça fait sens par rapport au titre et au contenu de cet album-ci, mais c'est un petit pont dans le temps, dans la confection de tout ça. C'est un secret pour personne, fabriquer un album ou tout simplement jouer des concerts dans cette période post-apocalyptique Covid-19, c'est pas une chose facile. Donc est-ce que tu peux nous raconter pour toi comment tu as vécu cette période en termes de justement concerts ou création de l'album, et puis après tu peux peut-être aussi raconter comment aussi les autres membres de la Marmite ont vécu ce moment qui est toujours en cours. Alors je vais essayer de faire court parce qu'il y a beaucoup de questions dans ta question. Par rapport au fait de faire des concerts, ben, on a évidemment été paralysé comme tout le monde de manière cyclique et récurrente. Ceci dit, il nous a quand même été donné de répondre à quelques sympathiques petites invitations qui nous ont permis de faire des petits concerts à des moments où c'était théoriquement impossible, ou de plonger dans l'une ou l'autre fenêtre de déconfinement, reconfinement, ou fermeture, réouverture, restrictions, jauge, masque, etc. C'est en plus ajouté le problème du CST, Covid Safety Kit en Belgique, pass sanitaire en France, qui entre-temps est devenu un pass vaccinal. En tout cas, là, maintenant qu'on vient de mettre tous ces nouveaux morceaux sur les rails de la scène, qu'on les joue en concert et qu'on a envie de les jouer en concert, on a envie de reprendre la route et de venir jouer chez vous sans QR code et sans ce flicage sanitaire à l'entrée. Alors pour en revenir au disque, alors toutes les chansons n'ont pas été écrites dans et sur cette période. Celles qui le sont, ben, on n'a pas non plus voulu que ce soit trop anecdotique par rapport à la période, et ça rejoint des questions sociales, politiques plus générales que pose tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé. Et puis il y avait d'autres textes en cours d'écriture, voilà, sur la répression, les élections, l'écologie, sur des gens qui ont enfilé des gilets jaunes pour occuper des ronds-points, sur l'envahissement numérique dans nos vies, etc. Voilà. Alors si toutes les chansons parlent effectivement du monde dans lequel on vit, elles ne parlent pas toutes, fort heureusement, de Covid-19. Mais s'il y a une cohérence dans ce disque, je pense qu'elle vient du fait d'avoir été élaborée, finalisée ensemble durant cette période. Pour clôturer cette interview, peux-tu choisir un morceau de ce dernier album Homo Rictus de La Marmite et peut-être raconter une anecdote sur ce morceau, sur ton choix. Et merci à toi et à bientôt. Oui, désolé, c'est idiot. En fait, j'étais en train de te répondre par écrit. Alors, il me vient comme ça une anecdote par rapport au morceau Prothèse, dont le refrain est « La police nous prothèse, nos prothèses nous fliquent, nos vies sont des synthèses de néants et de clics ». Alors, « La police nous prothèse », j'avais vu ça sur une jolie affiche sérigraphiée et je me suis empressé de piquer ce bout de strophe pour imaginer une suite pour ce refrain. Donc, on enregistre le morceau, on écoute les mix et on entend bien « Nos prothèses nous fliquent ». Et après, on entend « Nos vies sont des synthèses de néants et de flics ». Donc on réécoute la piste toute seule, on chante bien « clic », on réécoute avec le reste, on entend « flic ». Du coup, ça perd un peu de son intérêt, puisque l'idée était de faire rimer « flic » avec « clic ». Et ça ne marchait pas, à cause d'un problème, je dirais, psychoacoustique, quoi, dans le mélange des sons. Alors, il y a un pote qui a tendu une oreille attentive à ça et qui m'a conseillé le petit décalage qu'on a pratiqué dans la chanson en faisant un petit contretemps pour que le clic soit tout seul à un moment et donc plus sur le temps de la mesure où il se transformait en flic, où le clic se transformait en flic. Voilà. Alors, si ces quelques bafouillages vous ont donné envie de tendre l'oreille vers ce nouvel album de La Marmite, il est écoutable sur nombre de plateformes digitales, y compris gratuites. Il est disponible en vente par correspondance sur le site de Aredge, aredje.net. C'est un beau digipack avec un livret de 16 pages reprenant les paroles et quelques autres blabla. Et puis enfin, rien ne vaut de venir les écouter en vrai si on passe près de chez vous. Et d'ailleurs, l'avant-dernier morceau de l'album est une invitation à nous inviter chez vous, dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre bastringue ou dans votre jardin. À tout bientôt. Merci. Merci. We'll be right back.